C'est fou, c'est groupe Choralazine. Bonjour et bienvenue à cette édition de CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et comme vous le savez, à chaque semaine, on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage requis. Là, on compresse les chroniques de la semaine du 1er mars 2010. Il va y avoir GoGo Gadget, la foire aux questions et les nouvelles du futur. Tout ça en plus, évidemment, de musique, de jeux vidéo et de la suite de notre série en concert. Et c'est d'ailleurs avec la série en concert qu'on va commencer l'émission aujourd'hui. C'est la série The Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann, que vous connaissez peut-être sous le nom de Game Juice. C'est aussi celui qui écrit une chanson par jour depuis plus de 400 jours. La plupart de ses chansons ne parlent pas de jeux vidéo, mais quand même, il a fait une opéra sur Mario. Et c'est, ma foi, très, très bon. On est rendu à la quatrième pièce. On va entendre I Was Wrong. Et ça se passe maintenant à CNX.zip sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Never dreamed that I'd be here, but now I think it's clear that I don't belong. I was wrong. Growing up in Brooklyn, I always had this feeling that I was somehow meant for something more. Here I'm standing with a choice. Am I a man now, a man, or am I a boy? Am I weak, or am I strong? You know, all along I've seen these visions of power. They're hidden deep, deep within the flowers, with the strength to change. You're feeling like a pawn.

C'était la chronique de mardi ici à CNX.zip. Donc, c'était votre foire aux questions. Il nous reste la chronique de mercredi, c'est-à-dire nouvelles du futur. Ça va être pas mal intéressant tantôt. Mais avant ça, ça me tente de parler un petit peu de d'autres affaires que juste des chroniques une fois de temps en temps. Ça a l'allure, ça. Disons, tiens, le top des tendances du web selon Yahoo Québec, les mots-clés que vous cherchez sur Yahoo Québec en ce moment. Donc, position 10 à 6 rapidement. Johnny Depp, Ginette Renault, Dancing with the Stars, Paris Hilton et Immobilier. En cinquième, c'est Porsche 918 Spider, quelque chose. En quatrième, Tsunami. En troisième, Yann Martel. Deuxième, Sakharai. En première, c'est Meryl Streep qui est au sommet du palmarès de Yahoo Québec. Tantôt, on parlera des nouveautés en magasin, mais avant ça, on va retourner en musique pour aller entendre. En fait, c'est le cover de la semaine. Une fois de temps en temps, j'ai envie de vous faire entendre une pièce et vous faire deviner l'original était de qui. C'est quoi la pièce originale qui a été refaite par un artiste de chiptune. Cette fois-ci, l'artiste qui refait la pièce est Lini, un artiste chip, bien aimé de bien des gens. Donc, voici cette pièce-là, puis la réponse, plus tard. T'sais. À cnx.zip. Ah, c'est fou, 89 FM. Mmh. Transition de merde, ça. Ouais. Comme une légère impression que c'est un petit peu plus facile de deviner le groupe quand il y a des paroles sur la pièce. Mais bon. L'artiste de cette pièce, c'est Lini qui l'a fait, version chiptune, mais l'original était par The Smiths. La pièce s'appelle There is a Light That Never Goes Out. Et on revient juste après la pause à cnx.zip. .com C'est fou, Don Charles. 89. Un. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Cash.com. Bonjour, vous êtes toujours à CNX.zip. C'est vrai, c'est l'émission la plus geek de la radio, mais c'est aussi l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis. Et ça, Assemblage Requis, ça a lieu du lundi au jeudi entre 15h et 17h, ici même sur les ondes de C'est Fou. Et c'est avec moi et Keywan. C'est lui l'autre voix que vous entendez dans les chroniques, hein. Faut le dire une fois de temps en temps, t'sais, il sort de nulle part comme ça. C'est comme on dit pas c'est qui, c'est comme un featuring guest star extraordinaire. Il nous reste la chronique de mercredi, c'est-à-dire Nouvelle du futur, mais avant ça, on prend un petit peu de temps pour aller entendre une autre pièce de Chiptune. Voici l'artiste Format et la position numéro 1 du palmarès 8-bit collective, c'est Paper Dolls. Assez fou. 89 FM. La pièce Paper Dolls par Format, ici à CNX.zip. Maintenant, c'est la chronique de mercredi. Voici Nouvelles du futur. Mercredi. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique à CNX, on parle de nouvelles du futur, des choses qui vont arriver dans un futur plus ou moins rapproché dans votre vie de geek. Là. Et là, on va essayer de faire de comprendre toutes ces nouvelles-là qu'on va vous garocher en pleine face. Et Simon est avec nous, Simon Fitzbé, dont on s'appelle, on est des jeunes. Ben oui, en étant un geek responsable, je me suis dit que je vais rester pendant la chronique CNX. Et Keywan. Ouais, mais je peux vous laisser par contre, si vous préférez. C'est pas un geek responsable. Être entre geeks, là, je peux peut-être vous laisser, non? Ouais. On va essayer de faire comprendre les affaires. Non, parce que des fois, si jamais on est en conflit, Mac versus Linux, ben tu vas pouvoir les séparer. C'est bon. Ouais. C'est moins intense entre Mac et Linux qu'entre Mac, Linux et PC. Ouais, là, ça, c'est une méchante bataille. C'est un autre débat, ça. Et si la peau du corps pouvait servir de surface où il serait possible de naviguer comme sur un écran tactile, nous demande un article de Branchez-vous.

Je parle de technologie, mais je ne suis pas pantoute. Donc. J'ai regardé pour le N-Gage, ça a sorti pour la première fois en 2003, vers la fin de l'année, pour la première génération. Il y a eu une deuxième génération. Ils ont vendu 3 millions de la première génération. Et puis le 30 octobre 2009, Nokia a annoncé qu'il n'y aurait plus de nouveaux jeux qui seraient produits et que le service N-Gage allait cesser à la fin de 2010. Voilà. Au revoir. Ouais. N-Gage. Est-ce que ça va être sur le blog d'Assemblage requis, ces liens-là? Mais évidemment, tu fais bien ça. Tu dis les affaires, toi, au bon moment. Bah, cool. C'est plaisir. Voilà, c'est tout. Ah, il y a un festival geek aussi, que juste pour le mentionner, qui n'a pas rapport avec le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Mais quand même, selon le blog Radio-Canada, le carnet techno, évidemment, de Bruno Guglielminetti. Ah, t'es capable de le prononcer? Moi, je suis pas capable. Guglielminetti? Non. Google! Donc, pour les intéressés, Montréal va accueillir en fin de semaine, là, la fin de semaine qui s'en vient, la première édition du Festival Geek Montréal, l'événement qui se veut un grand rassemblement de plusieurs types de geeks pour faire connaître la culture geek et la population montréalaise. Donc, c'est samedi et dimanche, le campus de Montréal de l'École supérieure d'informatique sera le théâtre de nombreuses activités geekiennes. Il va y avoir compétition de musique, débats, jeux en réseau, compétition de recettes geek, présentation de courts-métrages, des compétitions de programmation et de design d'une durée de 24 heures. Pour plus de détails, il faut aller sur le site du Festival Geek Montréal. C'est sur geekfestmtl.com. Voilà. On devrait prendre genre chaque catégorie que tu viens de nommer puis dire de quoi de drôle à chaque. Il y a quelque chose à dire à chacune. Genre faire de la musique de jeux vidéo avec des claviers. Je sais que t'aimes bien la musique de jeux vidéo. J'adore, j'en joue les jeudis d'ailleurs. J'espère. À CNX.zip. Mais c'est pas... petit plug. C'est pas pour rire d'eux, mais quand ils parlent de concours de cuisine, c'est quoi? C'est genre pas du crabe de nom, mais du cheese whiz sur des petits carrés biscuits soda. Tu fais des drinks avec du Mountain Dew. Ouais, jeu en réseau, c'est World of Warcraft. Sûrement, ouais. Des choses comme ça, ouais. Les Patriotes de l'UQTR, édition World of Warcraft. Oui, c'est ça. Monde de Info. C'était à quoi UQTR en spectacle l'année passée. C'était très, très drôle. C'était toi, je pense, même, qui faisais la voix. Ça se peut-tu? Oui. Il me semble, je crois. Ça n'a pas l'air sûr. C'était la chronique d'hier, ce mercredi, Nouvelle du futur. Vous êtes à CNX.zip où on compresse les chroniques technologiques d'assemblage requis. J'avais promis que je ferais les sorties en jeux vidéo, donc on va les faire très, très vite. Sur PlayStation 3, il y a MLB 10 The Show de Sony, Battlefield Bad Company 2 de Electronic Arts, Major League Baseball 2K10 de 2K Sports, et si on passe ensuite à la PlayStation 2, même chose, MLB 10 et Major League 2K10. Là. Sur Xbox 360, Battlefield sort aussi. Il y a Lips Party Classic Software en anglais et en français de Microsoft et Major League 2K10. Sur Nintendo Wii, Alice in Wonderland de Disney Interactive, Major League Baseball 2K10 et Sushi Go Round de South Peak. Sur PC, Silent Hunter 5, Battle of the Atlantic de Ubisoft et Puzzle Expedition de Mumbo Jumbo. Sur Mac, Yuda Games Variety Pack de Mask Publishing et Darkest of Days Mac de Phantom EFX. Sur Nintendo DS, il y en a quand même pas mal. Sonic Classic Collection de Sega, Alice in Wonderland de Disney, Major League 2K10 le baseball, Battle of Giants Mutant Insects de Ubisoft, Imagine Sweet 16 de Ubisoft et Sushi Go Round de South Peak. Et on termine avec la PSP, il y a MLB 10 The Show et Major League Baseball 2K10. Il y a beaucoup de jeux qui sortent sur plusieurs consoles. Voilà donc pour les nouveautés selon Amazon.com. Et ça va être pas mal la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Hein. Ça va être le dîner de con qui va suivre à partir de 11h avec Danny et André. Bien sûr, des conneries à la tonne. Des pelletés de conneries, toi. Des pelletés de conneries dans le dîner de con. Hein? Bon. Ça commence à 11h. Moi, je vous retrouve à 13h avec les palmarès édition francophone et puis à 15h avec Assemblage requis. Donc, vous allez passer la journée avec moi. C'est un petit peu dommage pour vous. Que voulez-vous? On peut pas tout avoir. Allez chercher les liens sur assemblagerequis.com. Il y a aussi des balados diffusion là-dessus. On se quitte avec la position numéro 2 de 8-Bit Collective. C'est Sorrow Song de Nonfinite. Et on se retrouve à 13h. Bye bye. Dash.com. Thank you.